Chapitre 98e, le départ. On sait comment le roi était parti. Cependant, il nous reste à dire quelques mots de ce départ et de ce voyage, pendant lesquels nous verrons s'accomplir les destinées diverses des fidèles serviteurs et des derniers amis que la fatalité, le hasard ou le dévouement avaient groupés autour de la monarchie mourante. Revenons donc à la maison de M. Sos. Charny avait à peine touché le sol, avons-nous dit, que la porte était rouverte et que Biot avait reparu sur le seuil. Son visage était sombre. Son œil, sur lequel la pensée a baissé son sourcil, était investigateur et profond. Il passa en revue tous les personnages du drame, mais dans le cercle qu'il parcourut, son regard ne parut faire que deux seules remarques. La fuite de Charny, elle était patente. Le comte n'était plus là, et M. de Damas refermait la fenêtre derrière lui. En se penchant en avant, Biot eût pu voir le comte franchir le mur du jardin. Puis l'espèce de pacte qui venait d'être conclu entre la reine et M. de Romeuf, pacte dans lequel tout ce que M. de Romeuf avait pu promettre, c'était de rester neutre. Derrière Biot, la première chambre s'était remplie de ces mêmes gens du peuple armés de fusils, de faux ou de sabres, qu'un geste du fermier en avait expulsé. Ces hommes, d'ailleurs, semblaient enchaînés instinctivement par une influence magnétique à obéir à ce chef, plébéien comme eux, et dans lequel ils devinaient un patriotisme égal au leur, disons mieux, une haine égale à leur haine. Biot jeta un regard derrière lui. Ce regard, en se croisant avec celui des hommes armés, lui apprit qu'il pouvait compter sur eux, même dans le cas où il faudrait en venir à la violence. « Eh bien, demanda-t-il à M. de Romeuf, sont-ils décidés à partir ?» La reine jeta sur Biot un de ses regards obliques qui eussent pulvérisé les imprudents à qui elle les adressait, si elle eût pu y mettre la puissance de la foudre. Puis, sans répondre, elle s'assit en saisissant le bras de son fauteuil, comme si elle eût voulu s'y cramponner. « Le roi demande encore quelques instants, » répondit M. de Romeuf. « Personne n'a dormi de la nuit, et leurs majestés sont accablées de fatigue. »« M. de Romeuf, » reprit Biot, « vous savez bien que ce n'est point parce que leurs majestés sont fatiguées qu'elles demandent quelques instants. » Mais c'est parce qu'elles espèrent que pendant ces quelques instants, M. de Bouille y arrivera. Seulement, ajouta Biot avec affectation, que leur majesté y prenne garde, car si elles refusent de venir de bonne volonté, on les traînera par les pieds jusqu'à la voiture. Misérable, s'écria M. de Damas en s'élançant vers Biot, le sabre à la main. Mais Biot se retourna en croisant les bras. En effet, il n'avait pas besoin de se défendre lui-même. 8 ou 10 hommes s'élancèrent à leur tour de la première chambre dans la seconde, et M. de Damas se trouva menacé à la fois par 10 armes différentes. Le roi vit qu'il ne fallait qu'un mot ou qu'un geste pour que les 2 gardes du corps, M. de Choiseul, M. de Damas, et les 2 ou 3 officiers ou sous-officiers qui étaient près de lui, fussent égorgés. « C'est bien, dit-il, faites mettre les chevaux à la voiture, nous partons. » Madame Brunier, une des 2 femmes de la reine, jeta un cri et s'évanouit. Ce cri réveilla les 2 enfants. Le jeune dauphin se mit à pleurer. « Ah, monsieur, dit la reine en s'adressant à Biot, vous n'avez donc pas d'enfant, que vous êtes cruel à ce point pour une mère ?» Biot tressaillit, mais aussitôt avec un sourire amer. « Non, madame, je n'en ai plus. » Puis au roi. « Ce n'est pas la peine de mettre les chevaux à la voiture, dit-il, ils y sont. Eh bien alors, faites-la avancer, elle est à la porte. » Le roi s'approcha de la fenêtre de la rue et vit en effet la voiture tout attelée. Au milieu de l'immense rumeur qui se faisait dans la rue, il ne l'avait point entendu venir. Le peuple aperçut le roi à travers les vitres. Alors un formidable cri, ou plutôt une formidable menace, s'éleva de la multitude. Le roi pâlit. M. de Choiseul s'approcha de la reine. « Qu'ordonne sa majesté, dit-il, moi et mes camarades préférons mourir à voir ce qui se passe. Croyez-vous, monsieur de Charny, sauvé ? Demanda tout bas et vivement la reine. « Oh, pour cela, oui, » dit M. de Choiseul, « j'en répondrai. Eh bien, partons, mais au nom du ciel, encore plus pour vous que pour nous, ne nous quittez pas, vous et vos amis. » Le roi comprit quelle crainte tenait la reine. « En effet, dit-il, messieurs de Choiseul et de Damas nous accompagnent, et je ne vois pas leurs chevaux. »« C'est vrai, » dit M. de Romeuf en s'adressant à Biot. « Nous ne pouvons empêcher que ces messieurs ne suivent le roi et la reine. » « Ces messieurs, dit Biot, suivront le roi et la reine s'ils peuvent. Nos ordres portent de ramener le roi et la reine, et ne parlent pas de ces messieurs. Mais moi, dit le roi, avec plus de fermeté qu'on eût pu en attendre de lui, je déclare que je ne partirai point que ces messieurs n'aient leurs chevaux. Que dites-vous de cela ? Demanda Billot, se retournant vers les hommes qui encombraient la chambre. Le roi ne partira pas si ces messieurs n'ont pas leurs chevaux. Les hommes éclatèrent de rire. Je vais les faire approcher, dit Monsieur de Romeuf. Mais Monsieur de Choiseul, faisant un pas en avant et barrant le chemin de Monsieur de Romeuf, ne quittez pas leur majesté, lui dit-il. Votre mission vous donne quelque pouvoir sur le peuple, et il est de votre honneur qu'ils ne tombent pas un cheveu de la tête de leur majesté. Monsieur de Romeuf s'arrêta. Billot haussa les épaules. C'est bien, dit-il, j'y vais, moi. Et il marcha le premier. Mais, se retournant au seuil de la porte, on me suit, n'est-ce pas ? Ajouta-t-il en fronçant le sourcil. Oh, soyez tranquille, dirent les hommes avec un éclat de rire qui indiquait qu'en cas de résistance, il ne fallait pas attendre d'eux aucune pitié. En effet, arrivés à ce point d'irritation, ces hommes eussent bien certainement employé la violence contre la famille royale, ou fait feu sur quiconque eût essayé de fuir. Aussi Billot n'eut pas même la peine de remonter. Un des hommes était près de la fenêtre, suivant des yeux ce qui se passait dans la rue. « Voilà les chevaux, » dit-il, « en route. »« En route, » répétèrent ses compagnons, avec un accent qui n'admettait pas de discussion. Le roi marcha le premier. Monsieur de Choiseul vint ensuite, donnant le bras à la reine, puis Monsieur de Damas donnant le bras à Madame Élisabeth, puis Madame de Tourzel avec les deux enfants, et autour d'eux, formant un groupe, le reste de la petite troupe fidèle. Monsieur de Romeuf, comme envoyé de l'Assemblée nationale, et par conséquent, comme revêtu d'un caractère sacré, avait mission de veiller particulièrement sur le cortège royal. Mais il faut le dire, Monsieur de Romeuf avait lui-même grand besoin que l'on veillât sur lui. Le bruit s'était répandu qu'il avait non seulement exécuté avec mollesse les ordres de l'Assemblée, mais encore qu'il avait, sinon activement, du moins par son inertie, favorisé la fuite d'un des plus dévoués serviteurs du roi, lequel, disait-on, n'avait quitté leur majesté que pour aller transmettre à M. de Bouillé l'ordre de venir à leur secours. Il en résulta que, arrivé au seuil de la porte, tandis que la conduite de Billot était glorifiée par tout ce peuple, qui paraissait disposé à le reconnaître comme seul chef, M. de Romeuf entendit retentir autour de lui, accompagné de menaces, les mots d'aristocrate et de traître. On monta dans les voitures, en suivant le même ordre qu'on avait suivi pour descendre l'escalier. Les deux gardes du corps reprirent leur place sur le siège. Au moment de descendre, M. de Valory s'était approché du roi. « Sire, avait-il dit, mon camarade et moi venons demander une faveur à votre majesté. »« Laquelle, messieurs ? » répondit le roi, étonné qu'il y eût une faveur quelconque dont il pût encore disposer. « Sire, la faveur, puisque nous n'avons plus le bonheur de vous servir comme militaire, d'occuper près de vous la place de vos domestiques. » De mes domestiques, messieurs, s'écria le roi, impossible. Mais M. de Valory s'inclina. Sire, dit-il, dans la situation où se trouve votre majesté, notre avis est que cette place ferait honneur à des princes du sang, à plus forte raison, à de pauvres gentilshommes comme nous. Eh bien, soit, messieurs, dit le roi les larmes aux yeux, restez, ne nous quittez plus jamais. C'est ainsi que les deux jeunes gens, faisant une réalité de leur livrée et de leur fonction factice de courrier, avaient repris leur place sur le siège. M. de Choiseul referma la portière de la voiture. « Messieurs, dit le roi, je donne positivement l'ordre que nous me conduisions à Montmédy. Postillon, à Montmédy !» Mais une seule voix immense, voix non plus d'une seule population, mais de 10 populations réunies, cria « À Paris ! À Paris !» Puis, dans un moment de silence, Billot, montrant de la pointe de son sabre le chemin qu'il fallait suivre, « Postillon, dit-il, route de Clermont. » La voiture s'ébranla pour obéir à cet ordre. « Je vous prends tous à témoin qu'on me fait violence, » dit Louis XVI. Puis le malheureux roi, épuisé de cet effort de volonté qui dépassait aucun de ceux qui lui fait encore, retomba assis au fond de la voiture entre la reine et Madame Élisabeth. La voiture continua son chemin. Au bout de 5 minutes, et à moins qu'elle eût fait 200 pas, on entendit de grands cris à l'arrière. Par la disposition des personnes, et peut-être aussi par celle des tempéraments, la reine fut la première à mettre la tête hors de la portière. Mais presque au même instant, elle se rejeta dans la voiture, couvrant ses yeux de ses deux mains. « Oh, malheur sur nous, » dit-elle, « c'est Monsieur de Choiseul qu'on assassine. » Le roi tenta de faire un mouvement, mais la reine et Madame Élisabeth le tirèrent en arrière et le firent retomber entre elles. D'ailleurs, la voiture venait de tourner un angle de rue et il était impossible de voir ce qui se passait à 20 pas de là. Voilà ce qui se passait. À la porte de M. Sauce, M. de Choiseul et M. de Damas étaient montés à cheval. Mais le cheval de M. de Romeuf, qui de reste était venu en poste, avait disparu. M. de Romeuf, M. de Florac et l'adjudant Fougue suivaient donc à pied, espérant retrouver des chevaux de dragons ou de hussards, soit que dragons et hussards, restés fidèles, leur offrissent leurs chevaux, soit qu'ils rencontrassent des chevaux abandonnés de leur maître, lesquels, la plus grande partie au moins, fraternisaient avec le peuple et buvaient à la santé de la nation. Mais on n'avait pas fait 15 pas que de la portière de la voiture qui l'escorte, M. de Choiseul s'aperçoit que messieurs de Romeuf, de Floirac et Fougue courent le danger d'être enveloppés, dispersés, étouffés par la foule. Alors il s'arrête un instant, laisse filer la voiture, et jugeant que M. de Romeuf, en vertu de la mission dont il est chargé, peut, parmi ces 4 hommes qui courent un danger égal, être celui qui rendra les plus grands services à la famille royale, il crie à son domestique, James Brissac, mêlé à toute cette foule, « Mon second cheval à M. de Romeuf !» À peine a-t-il prononcé ces paroles, que le peuple s'irrite, gronde, l'enveloppe en criant « C'est le comte de Choiseul, c'est un de ceux qui voulaient enlever le roi, à mort l'aristocrate, à mort le traître !» On sait la rapidité avec laquelle, dans les émeutes populaires, l'effet suit la menace. Arraché de sa selle, M. de Choiseul fut renversé en arrière et disparu englouti dans ce gouffre terrible qu'on appelle la multitude et dont, à cette époque de passion mortelle, on ne sortait guère qu'en lambeaux. Mais en même temps qu'il tombait, 5 personnes s'élançaient à son secours. C'était M. de Damas, M. de Floirac, M. de Romeuf, l'adjudant Fougue et ce même domestique, James Brissac, des mains duquel on venait d'arracher le cheval qu'il tenait et qui, ayant les mains libres, pouvait les occuper au service de son maître. Il eut alors un instant de mêlée terrible, d'une mêlée pareille à l'un de ces combats que les peuples de l'Antiquité et de nos jours les Arabes livrent autour des corps sanglants de leurs blessés et de leurs morts. Contre toute probabilité, par bonheur, M. Choiseul n'était ni mort ni blessé, ou du moins, malgré les armes dangereuses qu'ils avaient portées, ses blessures étaient légères. Un gendarme para avec le canon de son mousqueton un coup de faux qui lui était destiné. James Brissac en para un autre avec un bâton qu'il avait arraché à l'un des assaillants. Le bâton fut tranché comme un roseau, mais le coup détourné ne blessa que le cheval de M. de Choiseul. Alors l'adjudant Fougue eut l'idée de crier « À moi, dragon !» Quelques soldats coururent à ce cri, et ayant honte de laisser massacrer l'homme qui les avait commandés, ils se firent jour jusqu'à lui. M. de Romeuf se jeta lui-même en avant. « Au nom de l'Assemblée nationale, dont je suis mandataire, et du général Lafayette, par qui je suis député, s'écria-t-il, conduisez ces messieurs à la municipalité !» Ces 2 noms de l'Assemblée nationale et du général Lafayette jouissaient alors de toute leur popularité. Ils produisirent leur effet. « À la municipalité ! À la municipalité !» crièrent un grand nombre de voix. Les hommes de bonne volonté firent un effort, et M. de Choiseul et ses compagnons se trouvèrent entraînés vers la maison communale. On mit plus 1 heure et demie à y arriver. Chaque minute de 7 heures et demie fut une menace ou une tentative de mort. Toute ouverture que leurs défenseurs laissaient autour des prisonniers donnait passage à la lame d'un sabre, au trident d'une fourche ou à la pointe d'une faux. Enfin, on arriva à la maison de ville. Un seul officier municipal y restait, fort effarouché de la responsabilité qui pesait sur lui. Pour se décharger de cette responsabilité, il ordonna que messieurs de Choiseul, de Damas et de Floirac fussent mis au cachot et fussent gardés par la garde nationale. M. de Romeuf déclara alors qu'il ne voulait pas quitter M. de Choiseul, qui s'était exposé pour lui à tout ce qui arrivait. Le municipal ordonna donc que M. de Romeuf fût conduit au cachot avec les autres. Sur un signe que M. de Choiseul fit à son domestique, celui-ci, qui était trop peu de choses pour qu'on s'occupât de lui, s'éclipsa. Son premier soin, n'oubliant pas que James Brissac était valet d'écurie, fut de s'occuper des chevaux. Il apprit que les chevaux, à peu près sains et saufs, étaient dans une auberge gardée par plusieurs factionnaires. Rassuré sur ce point, il entra dans un café, demanda du thé, une plume et de l'encre et écrivit à Madame de Choiseul et Madame de Gramont pour les rassurer sur le sort de leur fils et de leur neveu, qui, selon toute probabilité, étaient sauvés du moment où il était prisonnier. Le pauvre James Brissac s'avançait beaucoup en annonçant ces bonnes nouvelles. Oui, M. de Choiseul était prisonnier. Oui, M. de Choiseul était au cachot. Oui, monsieur de Choiseul était sous la garde de la milice urbaine. Mais on avait oublié de mettre des sentinelles aux soupiraux de ce cachot, et par ces soupiraux on tirait aux prisonniers force coups de fusil. Ils furent obligés de se réfugier dans les angles. Cette situation assez précaire dura 24 heures, pendant lesquelles M. de Romeuf, avec un dévouement admirable, refusa de quitter ses compagnons. Enfin, le 23 juin, la garde nationale de Verdun étant arrivée, M. de Romeuf obtint que les prisonniers lui fissent remis, et il ne les quitta que lorsqu'il eut la parole d'honneur des officiers de veiller sur eux, jusqu'à ce qu'ils fussent dans les prisons de la haute cour. Quant au pauvre Isidore de Charny, son corps avait été traîné dans la maison d'un tisserand, où des mains pieuses, mais étrangères, l'ensevelirent, moins heureux en cela que Georges, qui du moins avait reçu les derniers devoirs des mains fraternelles du comte et des mains amies de Gilbert et de Billot. Car alors, Billot était un ami dévoué et respectueux. Nous avons vu comment cette amitié, ce dévouement et ce respect s'étaient changés en haine. Haine aussi implacable que cette amitié, ce dévouement et ce respect avaient été profonds.